On nique nos vies, sur des coups de tête qu'on censure, sur les plans sûrs, la télé du plan qui censure les mauvaises scènes, dans les reportages télé nous cachent des choses malsaines. Armé comme pour Galséné, rare qu'on s'aime, pour une teinte prête à se tuer, prête à se tuer. Malgré qu'on devrait pas se tuer, certains qu'ils font, tel flic ou bien se prostitue, pour bien finir sous les ponts, indique ou bien trop qui tue. Elle est bellec, comme tout être ma vie j'y tiens, j'ai de qui je tiens, voudrais pas que celle-ci me dise tiens. Dis piche tiens, tu parles ce n'est pas pour moi, pour d'amour moi. Mais je passe dans ma tour moi, et là j'ai pris mon crayon. Enfin moi j'ai posé le papier, puis j'en connais un rayon, des endroits dont on n'a pas pied. Je veux pas me perdre, le rap un cercle vicieux, ambitieux, mais au contraire sur mes petits yeux, tels des petits vieux. Adorable, on est tous au fond, on se met tous au son. On aura ce qui nous pousse au son, ce que les puces au fond. Je leur ai fait la tête dans le cul, je suis parti tout au fond. Ma vie n'a rien d'un plan cul, écriture codée, je suis rodé. Sorti du codé, sauf au désespoir, rendu mieux. On vit sans vivre ici, on lit sans livre ici. Trop peu gens, peu d'enfants libres ici. L'écriture codée, je rodée. Sortie de turcodée, sauf codée. Espérant du mieux tous ces jours mauvais. On vit sans vivre ici, on lit sans livre ici. Trop peu gens, peu d'enfants libres ici. La vie tu luttes, la matière grisonnable. Trop fier pour pleurer, on a l'encre en guise de larmes. Je suis blasé, mon cœur est encrassé, il est en crise. Même si t'as la tête d'un empire, t'as de l'emprise. Ta vie sera un long fleuve tranquille. Je remercie le tout puissant d'être en vie. J'ai pas la sagesse de Gandhi, plus je grandis, plus je me rends compte que le droit chemin est si long. J'avance en silence, on trace tous nos sillons. Je suis épuisé, je veux pas d'une défaite puissante. Je puise ma force dans ma foi, bienvenue dans mon antre. Je t'invite, entre, mais garde le sourire. Nous sommes nés pour prier, aimer et mourir. Ensuite, nourrir la terre, nos aïeux. Même si t'y es pas, dis-toi qu'il y a pire ailleurs, ailleurs, ailleurs. L'écriture codée, je suis rodé. Sorti du codé, sans fondé. Espérant du mieux tous ces jours mauvais. On vit sans vivre ici, on lit sans livre ici. Trop peu de gens, peu d'enfants libres ici. L'écriture codée, je suis rodé. Sorti du codé, sans fondé. Espérant du mieux tous ces jours mauvais. On vit sans vivre ici, on lit sans livre ici. Trop peu de gens, peu d'enfants libres ici. Le Dieu me voici, à Paris ici. Cette fois-ci, je décolle comme un roi. Si c'est le retour frère, pour ceux qu'on trop braillé, trop graillé, pas le même mec que tu croyais. Et ça y est, ça rapuce à l'épargne. Sache d'une part, tu nous recopies depuis le départ. Trop débat, comme voir un frère au poids de boue. Mort et boue, pas sûr qu'il finira debout. C'est vrai qu'au fond, je veux la caisse à Karim Benzé. Pas Uri Denzé, ou c'est Marie Medenge. Pour les frères à Tanger, la peine j'ai. Pour les frères partis, ça a changé. Je viens gagner la partie, et le refrain c'est reparti. Sorti du fondé, sans fondé. Espérant du mieux tous ces jours mauvais. On vit sans vivre ici, on lit sans livre ici. Trop peu de gens, peu d'enfants libres ici. L'écriture codée, je suis rodé. Sorti de turcodée, sans fondé. Espérant du mieux tous ces jours mauvais. On vit sans vivre ici, on lit sans livre ici. Trop peu de gens, peu d'enfants libres ici. Sartrouville, plateau, tonnerre, tilleul, marinière, vieux pape, théâtre, ok.